graphisme coulé sur des bouts de papier qui m'a fait composer. Sous l'horizon m'a mis au coucher, dessiné un cœur coulé pas exister. Laissez ma main exposée, je serai genou dans le pied, je connais qui est souillé. Aussi vite, ma flamme a chanté, aussi du calme, elle m'a compris.